بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Dans ce verset, Allah عز وجل nous enjoint: lorsqu'on est confronté à une question ou à une divergence et qu'on veut savoir son jugement et la vérité, de revenir à Allah et à son messager, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna. Et parmi les points dont on a besoin de connaître le jugement, il y a ce qui a agité l'actualité en France ces derniers temps, à savoir la fameuse charte des principes pour l'islam de France, qui a été signé par plusieurs responsables. Et en réalité, il y a beaucoup de choses à dire sur cette charte. Il y a plusieurs points qui sont très graves et des ambiguïtés. En ce qui nous concerne, dans cet audio, on va s'intéresser à un point qui a été évoqué dans cette charte, qui est la liberté de conviction et de culte, qu'on va traiter en répondant, Inch'Allah, à certaines ambiguïtés. Tout d'abord, ils disent dans cette charte, dans l'article numéro 3, je lis: « Dieu a donné aux hommes la liberté de choisir leur voie et leur conviction à l'abri de toute contrainte. Nulle contrainte dans la religion. » Ils ont cité ce verset. « Et en a fait une expression de sa volonté. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi, donc, de contraindre les gens à croire ?» On va analyser ce passage et tâcher de voir si cela est conforme à la vérité ou pas. Est-ce que Dieu, selon leurs termes, Allah, nous a donné la liberté de choisir n'importe quelle voie et d'avoir n'importe quelle conviction, de croire ce que l'on veut et de pratiquer ce que l'on veut ou pas? Et pour répondre, on va revenir à notre balance qui est le Coran et la Sunna. Il faut revenir au Coran et à la Sunna authentique selon la compréhension de nos salafs salih, ainsi qu'aux paroles de savants connus pour s'accrocher fermement à la Sunna. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, فَاسْأَلُوا هَلَّ ذِكْرٍ كُنْتُمْ لَتَعْلَمُونَ. Donc on doit revenir aux vrais gens de science lorsqu'on ne sait pas, et non pas aux ignorants qui sont inaptes à répondre. Et parmi ces savants, nous avons l'allama Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. On lui a posé cette question: نسمع ونقرا كلمة حرية الفكر وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد فما تعليقكم على ذلك؟ On lui a posé la question sur Huriyat al-Fikr, c'est-à-dire la liberté de penser, qui est en fait un appel à la liberté de croyance. Il a répondu: Taliquna ala dhalik an alladhi yujiz an yakuna al-insan hur al-i'tiqad ya'taqidu ma sha'a min al-adyan fa innahu kafir. Il a répondu que celui qui permet, qui autorise aux gens d'avoir une liberté de croyance en pensant qu'on peut choisir n'importe quelle religion autre que l'islam, bien sûr, est un mécréant. Il va expliquer pourquoi. قال: لأن كل من اعتقد أن أحدا يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل. Il a expliqué qu'en fait c'était un naqid min nawaqid l'islam. C'est un des actes qui invalide l'islam. Quiconque a la conviction qu'il est permis de choisir une autre religion que l'islam, eh bien, et n'est pas croyant, c'est un mécréant, car il dément la révélation. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Allah عز وجل nous ordonne d'entrer en plein dans le silm. Et le silm, comme l'a cité Ibn Kathir dans son tafsir, d'après Ibn Abbas, signifie l'islam. Donc Allah ordonne aux croyants d'entrer pleinement, entièrement dans l'islam, d'adhérer à tous les principes et préceptes de l'islam. Et c'est un ordre de la part de Khaliq al-Samawati wal-Ard, du Créateur des cieux et de la terre. Dans la suite du verset, Allah Azza wa Jal dit: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ne suivez pas les traces du diable. L'imam Sa'di a dit dans son tafsir, en commentaire de ce verset: وَلَمَّا كَانَ الدُّخُلْ فِي السِّلْمِ كَافَ لَا يُمْكِنْ وَلَا يُتَسَوَّرْ إِلَّا بِمُخَالَفَةِ طُرُقِ الشَّيْطَانِ قَالَ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ. L'imam Sa'di a dit dans son tafsir qu'il n'était possible d'entrer en plein dans l'islam qu'en allant à l'encontre, en s'opposant aux voies du shaitan. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit de ne pas suivre ses pas. Donc il ne faut pas suivre ses pas, ses traces, son chemin, car shaitan pousse à désobéir, shaitan pousse à transgresser et à commettre du mal. Et ici, juste avec ce verset, on pourrait déjà se poser la question: a-t-on la liberté de suivre n'importe quelle voie ou pas? Celui qui médite juste ce verset a la réponse. Allah Azza wa Jal n'a pas laissé aux croyants la liberté de suivre n'importe quelle voie, puisqu'on se doit d'emprunter le droit chemin, qui est la voie de l'islam, et non pas les voies de shaitan et des égarés. Et sachez que l'islam est la seule religion acceptée par Allah Azza wa Jal. Inna din indallah l'islam. Donc il faut savoir ce qu'est l'islam. Quelle est la définition de l'islam? Alors la définition de l'islam est « El istislam lillah bi tawhid ». L'islam consiste à se soumettre à Allah en lui vouant toutes nos adorations, en lui vouant un culte exclusif. Il faut obéir à Allah Azza wa Jal. Il faut faire ce qu'il a ordonné et s'écarter de ses interdits. Également, et l'islam consiste également à se désavouer du shirk et des mushrikin. Donc, en analysant cette définition, eh bien, on voit que leur prétention est fausse. En effet, comment prétendre qu'Allah Azza wa Jal nous a laissé libres de vouer un culte à qui l'on veut, alors que la définition de l'islam en elle-même consiste à vouer un culte exclusif à Allah. C'est pour cela qu'il est très important de connaître sa religion. Il faut étudier sa religion, connaître les bases, les fondements de son dîn. Et l'islam a des piliers, comme parvenu dans le fameux hadith de Jibril, de l'ange Gabriel. Et elle y mène la foi également à des piliers, qui consistent en la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin. Et la foi, comme l'ont défini les savants de la sunna, consiste en « i'tiqad bil qalb », c'est un ensemble de croyances dans le cœur, comme le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal est le seul créateur, le seul souverain, celui qui gère tout l'univers, que c'est lui qui fait vivre, qui fait mourir, et qu'on doit lui vouer toutes nos adorations, etc. Et également, « qawl bil lisan », également de parole, que ce soit les attestations de foi, les shahada, et également le fait de lire le Coran, les invocations et autres. وَعَمَلْ بِالْجَوَارِحِ et également d'œuvres que doit effectuer le musulman, que ce soit la salat, le siyam, le jeûne, le hajj et autres. يَزِدْ بِالطَّاعَ وَيَنْقُصْ بِالْمَعْصِيَةِ cette foi va augmenter lorsque tu fais des œuvres d'obéissance, des actes de bien, et elle va diminuer lorsque tu commets des péchés. On a fait ce petit rappel de notions fondamentales pour montrer que le croyant doit avoir une croyance authentique. Le croyant est-il libre, par exemple, de croire que les anges n'existent pas? Non, car cela s'oppose au pilier de la foi. Le croyant est-il libre d'avoir la croyance qu'un autre a créé toute chose ou qu'un autre a créé les cieux et la terre? Alors qu'Allah Azza wa Jal dit « Allahu khaliqu kulli shay », Allah a créé toute chose. Et Allah Azza wa Jal dit « Inna rabbakum Allah alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyam », c'est Allah Azza wa Jal qui a créé les cieux et la terre en six jours. Le croyant est-il libre de croire que quelque chose est semblable à Allah, alors qu'Allah dit « Laysa kamithlihi shay », rien ne lui est semblable? Le croyant est-il libre de croire qu'Allah a un fils, alors qu'Allah dit « Lam yalid wa lam yulad », Allah n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas de fils, n'a pas d'enfant. Le croyant est-il libre d'avoir la conviction qu'il peut égorger pour un djinn ou jurer sur autre qu'Allah de pratiquer le sihr, la sorcellerie? Est-on libre de croire que les anges n'existent pas, que les djinns n'existent pas, que le paradis n'existe pas, que l'enfer n'existe pas? La réponse est claire. On n'a pas le droit car cela est contraire à la révélation. Et comment prétendre qu'Allah nous a laissé libres de choisir notre voie alors qu'il nous met en garde contre la voie des égarés? Que lit-on tous les jours lorsqu'on accomplit la salat en lisant surat al-Fatiha? On fait un petit rappel, on dit اهدنا الصراط المستقيم guide-nous dans le droit chemin صراط الذين أنعمت عليهم le chemin de ceux que tu as comblé de faveur غير المغضوب عليهم non pas de ceux qui ont encouru ta colère c'est-à-dire les juifs ولا الضالين ni des égarés les chrétiens et en général la voie de tous les mécréants. Donc si on était libre de suivre n'importe quelle voie, pourquoi est-ce qu'on invoque Allah Azza wa Jal tous les jours pour nous guider dans le droit chemin et nous écarter de la voie des égarés? Subhanallah. C'est chez Ajib, on a l'impression que ces gens-là lisent le Coran, mais ne le comprennent pas, ne le méditent pas. On va donner un petit exemple. Imaginez que quelqu'un veuille se rendre à un endroit qui se situe, par exemple, dans le nord. Et lui a la conviction que cet endroit se situe dans le sud. Pourtant, on lui indique la route. On lui dit donc, voilà, tu prends l'autoroute, c'est tout droit, direction nord. On lui fait voir la carte, il y a les panneaux qui indiquent le chemin. Et lui dit, non, non, moi je pense que cet endroit se situe dans le sud. Alors, va-t-il arriver à destination? La réponse, bien sûr que non. Pourquoi? Car il n'a pas suivi le bon chemin. Il n'a pas suivi la bonne voie. Eh bien, sachez que seule la voie de l'islam mène au paradis. Quiconque emprunte une autre voie que celle de l'islam n'arrivera pas à destination. Il arrivera dans un autre endroit. Iyadan billah, qu'Allah nous en préserve. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué que ces égarés veulent rabaisser ce dîn, cette religion, au rang de fikr, c'est-à-dire au rang de pensée, d'idéologie. C'est pour ça qu'on entend parler de pensée islamique, selon leur terme, d'idéologie islamique. Eh bien, il a dit que c'était une grosse erreur et qu'il fallait barrer ces termes-là des livres de l'islam. Ce dîn n'est pas un fikr, ce n'est pas une idéologie, une pensée, c'est une révélation de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc cette croyance repose sur des preuves, elle n'est pas fondée sur notre hawa, sur notre passion. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى Allah Azza wa Jal dit que le prophète alayhi salatu wa salam, ne parlait pas sous l'emprise de la passion. إِنْ هُوَ إِلَى وَحْيُ يُوحَى C'est une révélation d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que parfois on interrogeait le prophète alayhi salatu wa salam, et il ne répondait pas tout de suite. Une fois, les juifs l'ont interrogé sur l'âme. Eh bien, il a gardé le silence, il n'a pas répondu tout de suite. Et en fait, il était en train de recevoir la révélation. Et puis ce verset-là a été révélé. Il t'interroge sur l'âme. Qul ar-ruh min amri rabbi. Et Allah Azza wa Jal lui a dit de répondre que l'âme relève de l'ordre d'Allah. Donc seul Allah Azza wa Jal connaît la réalité de l'âme. Et sachez que tout le monde doit suivre l'islam, qui qu'il soit blanc, noir, asiatique, juif, chrétien, bouddhiste, athée, etc. Il n'y a pas de différence, car le prophète, alayhi salatu wasalam, a été envoyé à toute l'humanité. Même les djinns doivent se soumettre. Qu'Allah ta'ala, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, a été envoyé à tous les gens, à toute l'humanité. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith la yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Tout juif ou chrétien qui entend parler de lui, du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, puis ne suit pas son message, eh bien fera partie des gens de l'enfer. Ce hadith est rapporté par Muslim. Donc revenons à notre question. Celui qui pense qu'il a la liberté de suivre n'importe quelle voie, eh bien, on va lui dire qu'il devra en payer les conséquences. Il devra en assumer les conséquences. On va donner un autre petit exemple. Est-on libre de penser que 2 plus 2 font 5 ? Si une personne pense que 2 plus 2 font 5, que lui dit-on ? On va lui dire que c'est une erreur. Et tout ce qui va en découler sera faux. Tous les calculs qui vont en découler seront faux. Si, par exemple, la personne doit payer quelque chose, faire une déclaration ou autre, eh bien, tous les calculs seront faux. Eh bien, c'est pareil pour celui qui pense ces choses-là. Si elles se fondent sur une croyance mêlée à du shirk, eh bien, toutes ses œuvres seront nulles. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit « La in asharakta la yahbatanna amaluk » Si tu commets du shirk, eh bien, toutes tes œuvres seront vaines, toutes tes œuvres seront nulles. Tout comme tous tes calculs seront faux, si tu as la conviction que 2 plus 2 font 5, eh bien, toutes tes œuvres seront nulles si tu as des convictions basées sur du shirk, sur de l'association. Et également, on a posé cette question à Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi. Si l'islam approuve la liberté de croyance, pourquoi combat-il l'apostasie, le paganisme et l'athéisme ? Cheikh Ibn Baz a répondu, « L'islam la yukir al-huriya fi al-aqida » Il a rectifié directement. Il a dit que l'islam ne prône pas la liberté de croyance. Et l'islam ya'mur bil aqida as-saliha. Voilà ce qui est juste. L'islam prône le fait d'avoir une croyance authentique, une croyance saine, une croyance juste. Donc on n'est pas libre de penser ce que l'on veut. Et tout le monde se doit d'avoir une croyance saine, une croyance authentique. Puis il a cité qu'on n'était pas libre de choisir n'importe quelle religion. Thumaqal, al-qawl an al-islam yujiz hurriyat al-aqida adhghalat. Prétendre que l'islam prône la liberté de aqida, de croyance, est une erreur. Comme on l'a dit, l'islam prône le fait d'avoir une croyance, certes, mais une croyance authentique, pas n'importe quelle croyance. Puis il a cité des preuves qui indiquent qu'on n'est pas libre, par exemple, de penser qu'il est licite de commettre du shirk, de commettre l'adultère, qu'on n'est pas libre de penser qu'on peut tuer quelqu'un injustement, qu'on n'est pas libre de voler, de boire de l'alcool, etc. Donc le croyant a des limites qui sont fixées par notre Créateur. Puis il a dit que dans les choses où Allah Azzawajal nous a laissé un choix d'action, alors là, oui, on est libre. Dans les choses non imposées, on a le droit de choisir. Donc on est libre de choisir dans les choses qui sont autorisées. Et c'est ce qu'a cité également Sheikh Al-Fawzan qui a dit qu'on était libre d'avoir l'avis qu'on veut dans les choses où cela est possible. Mais cela n'est pas possible en ce qui concerne l'aqida, le credo, la croyance et la religion, car cela est basé sur l'iman, sur la foi, et également teslim, l'inqiyad, l'acceptation et la soumission. On va répondre maintenant à la première ambiguïté qui a été citée dans la charte. La première ambiguïté est, certains prétendent que l'islam garantit la liberté de croyance en s'appuyant sur ce verset, La ikrara fid din, nulle contrainte dans la religion. Est-ce que cela est vrai ou pas? Cette question a été posée à Sheikh Al-Fawzan qui a répondu, Hadha kadhib ala Allah azawajal. Il a dit que c'était un mensonge sur Allah. L'islam lam yati bi hurriyati l'i'tiqad. Il a dit que l'islam ne prenait pas la liberté de croyance. Comme on l'a dit, l'islam ordonne d'avoir une croyance authentique, une croyance juste, une croyance saine. On n'est pas libre de penser ce que l'on veut. L'islam ordonne de vouer toutes nos adorations à Allah Azzawajal, de vouer un culte exclusif à Allah et de s'écarter du shirk et de se désavouer également des mushrikines. Il a également cité que c'était une offense envers Allah Azzawajal. En effet, si on était libre de choisir n'importe quelle voie, pourquoi est-ce qu'Allah Azzawajal a envoyé ses messagers? Donc c'est une insulte envers Allah. C'est comme s'il avait envoyé ses messagers par pure futilité, inutilement. Sachez qu'Allah Azzawajal a envoyé les messagers pour rectifier la croyance des gens, pour les appeler à adorer Allah Azzawajal seul et s'écarter du shirk. Donc c'est une insulte, une offense envers Allah. Puis il a commenté le verset La ikraha fid din, nulle contrainte en religion, en disant que cela est tout à fait vrai. Mais il ne faut pas comprendre qu'on est libre de penser ce que l'on veut. Non, cela est tout à fait vrai, dans le sens où on ne peut contraindre personne à avoir la foi. On ne peut forcer personne à entrer cette foi dans son cœur. Seul Allah Azzawajal est capable de cela. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal dit de son prophète, Innaka la tahdi man ahbabt, tu ne guides pas qui tu veux. Même le prophète, alayhi salatu wasalam, n'avait pas la capacité de guider qui il veut. Il n'a pas pu guider son oncle qui est mort sur la mécréance. Walakin Allah yahdi man yasha, c'est Allah qui guide qui il veut. Donc, seul Allah a la capacité de guider les cœurs, d'entrer la foi dans le cœur des gens. Donc, en résumé, la foi ne s'impose pas. On ne peut contraindre personne à avoir la foi. La foi se fait par choix. On passe à la deuxième ambiguïté. Certains s'appuient sur ce verset de Sourate Al-Kafirun, « Lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion et à moi la mienne » pour prétendre qu'on est libre de choisir n'importe quelle religion. Est-ce que cela est vrai ou pas? Cette question a été posée également à Sheikh Salih Al-Fawzan qui a répondu « Hadha bara'atun ya akhi, ma huwa bihurriya » Il a dit que ce verset-là constituait un désaveu du shirk et non pas une reconnaissance de leur religion. Il a rappelé qu'au début du verset, Allah Azza wa Jalla a dit Qul ya ayyuhal kafirun, dis ô vous les mécréants. Donc Allah Azza wa Jalla les a nommés mécréants. Comment prétendre qu'Allah Azza wa Jalla nous laisse libres de suivre la voie de la mécréance? Donc c'est une fausse déduction. La a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. Comment prétendre qu'Allah Azza wa Jalla nous laisse libres de vouer un culte à qui l'on veut alors qu'il nous ordonne de ne pas vouer un culte à ceux qu'adorent les mushrikoun. Donc cela est faux. Wala antum abiduna ma a'bud, et vous n'adorez pas ce que j'adore. Puis à la fin du verset, Allah Azza wa Jalla dit Lakum dinukum waliya din, à vous votre religion et à moi la mienne. L'imam al-Bukhari a dit en commentaire de ce verset Lakum dinukum, à vous votre religion, c'est-à-dire le kufr, la mécréance. Waliya din, c'est-à-dire l'islam. À moi ma religion, c'est-à-dire l'islam. Comment prétendre qu'Allah Azzawajal nous laisse libres de choisir la voie de la mécréance au lieu de la voie de l'islam? Cela est totalement faux. Donc, c'est une fausse déduction, une fausse compréhension. Comment prétendre qu'on est libre de vouer un culte à qui l'on veut Alors qu'Allah Azzawajal dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah Azzawajal nous a ordonné de l'adorer en lui vouant un culte exclusif. Donc comment prétendre qu'il nous a laissé la liberté de vouer un culte à qui l'on veut? Cela est totalement faux. Et Allah Azzawajal dit فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Invoquer Allah en lui vouant un culte exclusif. La même chose. Et bien d'autres versets qui vont dans ce sens. Et ce qui appuie ce sens-là, ce hadith rapporté par Anas, où le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit à Mu'adh, radiallahu anhu, Iqara yayhuwa al-kafirun inda manamik. Il lui a dit de lire surat al-kafirun avant de dormir. Fa'innaha bara'atun min shirk. Car elle constitue un désaveu du shirk. Ce hadith est rapporté par Bayhaqi et Sheikh al-Albani l'a authentifié. Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, a clairement indiqué que Surat al-Kafirun constituait un désaveu du shirk et non pas une approbation de leur religion. Et ce qui appuie également ce sens, est-ce qu'on citait les savants du tafsir? Comme l'imam Ibn Kathir qui a dit dans son tafsir en commentaire de Surat al-Kafirun, il a dit que Surat al-Kafirun constituait une surat de désaveu des actes des mouchriks. Et c'est ce qu'a cité également l'imam Shanqiti dans son tafsir, qui a dit en commentaire de ce verset, « À vous votre religion et à moi la mienne. » Il a dit qu'il ne s'agissait en aucun cas d'agréer et d'approuver leur dîn, leur religion. C'est au contraire une menace de châtiment contre les mécréants s'ils ne suivent pas le droit chemin. On passe à l'ambiguïté numéro 3. Certains s'appuient sur ce verset, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Quiconque le veut qu'il croit et quiconque le veut qu'il mécroit, pour prétendre qu'on est libre de croire ou pas. Est-ce que cela est vrai ou pas? On va revenir une fois de plus aux paroles des savants du tafsir sur ce verset-là. L'imam Ibn Kathir a dit au commentaire de ce verset, quiconque le veut qu'il croit et quiconque le veut qu'il mécroit, قال, هَذَا مِنْ بَابِ التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ. Il a dit que c'était une grave menace de châtiment. Et ce qui indique cela est la suite du verset. En effet, ceux qui viennent avec ces ambiguïtés-là coupent le verset. Ils lisent une partie du verset, mais ne lisent pas la suite. Il suffit de lire la suite du verset qui est « Inna a'tadana » c'est-à-dire « Nous avons préparé les zalimin » c'est-à-dire « Al-kafirun » nous avons préparé aux injustes, c'est-à-dire aux mécréants « Naran ahata bihim suradiquha » un feu dont les flammes les cerneront. Donc Allah a préparé pour les injustes, les mécréants, un feu dont les flammes les cerneront. Si on était libre de suivre n'importe quelle voie, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal va châtier les mécréants? Donc la suite du verset indique que c'est une grave menace de châtiment contre les mécréants s'ils ne suivent pas le droit chemin. Et l'imam al-Barawi a cité dans son tafsir exactement le même sens. Il a dit que c'était une menace de châtiment contre les mécréants. Il a dit que cela était semblable à la parole d'Allah Azza wa Jal, I'malu ma shi'tum. Faites ce que vous voulez. Est-ce qu'il faut comprendre qu'on est libre de commettre du shirk et de la mécréance? Non, pas du tout. Le sens est, faites ce que vous voulez comme bien ou mal et vous serez rétribué en fonction. Comme l'a dit al-Barwi dans son tafsir, فَإِنْ كَفَرْتُمْ فَقَدْ أَعَدَّ لَكُمْ رَبُّكُمْ نَارًا أَحَاطَ بِكُمْ سُرَادِقُهَا. Si vous mécroyez, eh bien Allah Azza wa Jal vous a préparé le feu, un feu. Et si vous croyez, eh bien Allah Azza wa Jal vous accordera ce qu'il vous a décrit, à savoir le paradis. Donc en résumé, ce verset est une menace de châtiment contre les mécréants s'ils ne suivent pas le droit chemin et non pas une liberté de croire ou de ne pas croire. On passe à la quatrième et dernière ambiguïté qui a été citée dans la charte. Alors je vais relire pour rappel ce qu'il y a dans la charte. Dieu a donné aux hommes la liberté de choisir leur voie et leur conviction à l'abri de toute contrainte. Nulle contrainte dans la religion. On a déjà répondu à cette ambiguïté. Et on a fait une expression de sa volonté. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi donc de contraindre les gens à croire? Certains s'appuient sur ce verset-là. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَا فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Ils veulent sous-entendre que vu qu'Allah Azzawajal a voulu la mécréance, eh bien, il faut la griller. Est-ce que cela est vrai ou pas? Pour répondre à cette ambiguïté, il faut tout d'abord savoir que la volonté d'Allah Azzawajal, en arabe el-irada, se divise en deux. On a tout d'abord el-irada el-kawniya. C'est la volonté universelle d'Allah Azzawajal. C'est la volonté par laquelle tout ce qui se passe dans la création se réalise inexorablement, se passe forcément. Tout ce qu'Allah Azzawajal veut se produit et ce qu'il ne veut pas ne se produit pas avec cette irada kawniya, avec cette volonté universelle. Et c'est ce qu'on appelle également al-mashiya. Si Allah Azzawajal a prédestiné une chose, c'est qu'il a voulu qu'elle se réalise dans sa création. Et cela n'implique pas forcément qu'il aime la chose réalisée. Par exemple, Allah a voulu qu'il y ait de la chaleur, de la pluie, du vent, etc. Tout cela se passe forcément. Et cela englobe aussi bien ceux qu'il aime que ceux qu'il n'agrée pas. Allah a voulu que les actes de bien se produisent, mais aussi les péchés. Les péchés se produisent selon son irada kawniya, selon sa volonté universelle. Tout cela se produit inexorablement par cette volonté universelle. Il est impossible qu'une chose se produise en allant à l'encontre de sa volonté universelle. Et la deuxième est l'irada shar'iyya et diniya. C'est la volonté relative à ce qu'Allah a légiféré de faire dans la religion. Elle a pour sens al-mahabba wa rida. C'est ce qu'Allah azawajal aime et agrée, comme l'a cité Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et la chose voulue par Allah ne se réalise pas forcément, mais cette chose est toujours aimée d'Allah azawajal. On va donner un exemple. Allah azawajal dit Wallah yurid an yatouba alaykum. Et Allah veut accueillir votre repentir. Est-ce que tout le monde se repent? La réponse, non. Certains se repentent et d'autres non. Mais le sens est que Allah aime que les gens se repentent. Et comme on l'a dit, la chose voulue ne se produit pas forcément. Mais Allah aime le repentir, aime que les gens se repentent. Un autre exemple. Allah veut qu'on fasse salat. Est-ce que tout le monde fait salat? La réponse, non. Certains font salat et d'autres non. Mais le sens est, Allah veut qu'on fasse salat, Allah aime qu'on fasse salat. Mais la chose voulue ne se produit pas forcément. On va faire un petit rappel. L'irada al-kawniya, la volonté universelle, eh bien la chose voulue advient toujours. La chose advient inexorablement. Mais cette chose voulue n'est pas forcément aimée d'Allah azawajal. Tandis que l'irada shar'iyya, la volonté relative à ce qu'il a prescrit, eh bien, la chose voulue n'advient pas forcément, mais cette chose est toujours aimée d'Allah Azzawajal. Pour distinguer entre les deux, on regarde. Si la chose se produit, c'est qu'Allah Azzawajal l'a voulu avec son irada kawniya, avec sa volonté universelle par laquelle toute chose se produit forcément. Et si Allah aime cette chose, c'est qu'Allah Azzawajal l'a voulu avec son irada shar'iyya, qui est synonyme de ce qu'Allah Azzawajal aime. Et ses volontés sont régies par sa sagesse. Tout ce qu'Allah décrète l'est selon sa sagesse. Alayhi sallallahu bi ahkam al-hakimin. Et sachez que parfois les deux volontés peuvent se regrouper. Prenons l'exemple de Iman al-Mu'min, la foi du croyant. Prenons par exemple la foi du compagnon Abu Bakr radiallahu anhu. Est-ce qu'Allah azawajal a voulu sa foi selon sa volonté kawniya, sa volonté universelle, ou sa volonté sharia, synonyme de ce qu'il aime? La réponse selon les deux volontés, car Abu Bakr a eu la foi, donc cette foi est advenue. C'est qu'Allah Azzawajal l'a voulu selon sa volonté kawniya, sa volonté universelle par laquelle toute chose se produit. Également, Allah aime la foi, donc cela s'est produit avec son irada shar'iyya, qui est synonyme de ce qu'Allah Azzawajal aime. En effet, Allah aime la foi. Et parfois, on a seulement la volonté universelle, on a seulement l'irada al-kawniya. Prenons par exemple kufr al-kafir, la mécréance du mécréant. Par exemple, la mécréance de Pharaon. Pharaon est mort mécréant. Allah azawajal a envoyé Moïse alayhi salatu wasalam, auprès de Pharaon qui a refusé de croire. Donc sa mécréance est quelque chose qui est advenu. Par conséquent, c'est qu'Allah azawajal l'a voulu selon sa volonté kawniya, sa volonté universelle par laquelle toute chose se produit. Mais il n'aime pas la mécréance. Allah n'aime pas la mécréance. Allah déteste la mécréance. Donc il ne l'a pas voulu avec sa volonté charia, qui est synonyme de ce qu'Allah aime, car Allah déteste la mécréance. Et parfois, on a seulement la volonté charia. On a seulement la volonté relative à ce qu'il a prescrit. Par exemple, est-ce qu'Allah Azza wa Jal veut que tous les gens fassent salat? Oui, dans le sens qu'Allah Azza wa Jal aimerait cela avec sa volonté charia, qui est synonyme de ce qu'il aime. Mais est-ce que cela est advenu? La réponse non, car ce n'est pas tout le monde qui fait salat. Ce n'est pas tout le monde qui fait cela. Donc, si Allah Azza wa Jal avait voulu cela avec sa volonté universelle, cela signifierait que tout le monde accomplirait la salat, ce qui n'est pas le cas. Donc, Allah veut qu'on fasse salat avec son irada sharia, qui est synonyme de ce qu'il aime. Allah aimerait que tous les gens fassent salat. Pareil pour la foi. Est-ce qu'Allah veut que les mécréants aient la foi? La réponse, oui. Allah aimerait que le mécréant ait la foi, selon sa volonté sharia, qui est relative à ce qu'il a prescrit, car Allah Azza wa Jal aime la foi. Mais si cette personne meurt en étant mécréante, cette chose est advenue, ce qui signifie qu'elle s'est produite selon sa volonté kaunia, sa volonté universelle par laquelle toute chose se produit forcément. Donc maintenant qu'on a compris la différence entre l'irada kaunia et sharia, revenons à l'ambiguïté. Est-ce qu'Allah a voulu les péchés? On pose cette question. La réponse, oui, il l'a voulu avec sa volonté universelle, avec sa volonté kaunia, car les péchés adviennent et tout ce qui advient se produit selon sa volonté universelle. Mais Allah Azza wa Jal n'aime pas les péchés. Allah Azza wa Jal dit « Wallahu la yuhib al-fasad ». Allah n'aime pas les péchés, Allah n'aime pas la perversité. Et c'est la même chose pour la mécréance. Si on pose la question « Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu la mécréance ?» La réponse « Oui, mais avec sa volonté kaunia, avec sa volonté universelle, qui n'implique pas qu'Allah Azza wa Jal aime cette chose-là. En effet, Allah n'aime pas la mécréance et n'agrée pas la mécréance. Qu'Allah Azza wa Jal, wa la yarda li ibadihi al-kufr. Allah n'agrée pas la mécréance. Donc, si on a compris cela, on a compris que leur déduction est totalement fausse. Ce n'est pas parce qu'Allah Azza wa Jal a voulu la mécréance qu'Allah aime la mécréance. En effet, Allah Azza wa Jal a voulu la mécréance selon sa volonté universelle par laquelle toute chose se produit. En effet, la mécréance est produite. C'est qu'Allah l'a voulu universellement. Mais cela n'implique pas qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée la mécréance. Et nous également, on ne doit pas agréer la mécréance. Et sachez que des sectes se sont égarés sur le sujet car ils n'ont pas fait la différence entre les deux volontés, comme la secte des Jabriya et des Mu'tazila également. Et sachez que tout ce qu'Allah Azza wa Jal décrète l'est selon sa sagesse. Cheikh Ibn Uthaymeen a cité parmi les sagesses, il a dit que s'il n'y avait pas le kufr, s'il n'y avait pas la mécréance, eh bien on ne connaîtrait pas l'iman, on ne connaîtrait pas ce qu'est la foi. S'il n'y avait pas la faim, on ne connaîtrait pas ce qu'est le fait d'être rassasié. S'il n'y avait pas la pauvreté, on ne connaîtrait pas la richesse. S'il n'y avait pas la laideur, on ne connaîtrait pas ce qu'est la beauté, et ainsi de suite. S'il n'y avait pas les péchés, il n'y aurait pas de repentir. Allah Azza wa Jal a créé le bien et le mal, et nous a laissé un libre arbitre. Il nous a ordonné de suivre la voie du bien et de s'écarter du mal. S'il n'y avait que le bien et pas de mal, comment distinguer le croyant du mécréant? Et comment distinguer le vertueux du pervers? Et ce qui appuie ce sens-là est ce qu'a cité l'imam Shanqiti dans son tafsir à propos du verset cité قال وهو دليل واضح على أن كفرهم واقع بمشيئته الكونية القدرية. Il a dit que ce verset était une preuve claire qui indique que leur mécréance était advenue selon la volonté kawniya qadariya, la volonté universelle d'Allah Azza wa Jal, la volonté universelle par laquelle toute chose se produit forcément, sans impliquer qu'Allah Azza wa Jal aime cette chose-là. Puis dans la suite du verset, Allah Azza wa Jal dit « Afa anta tuqiru an-nas hatta yakunu mu'minin » Est-ce à toi de contraindre les gens à croire? Cheikh Ibn Uthaymeen a dit que le sens était la négation. C'est-à-dire, ce n'est pas à toi, ô prophète, de contraindre les gens à croire. Et cela est tout à fait vrai. On ne peut contraindre personne à avoir la foi, comme on l'a déjà dit. On ne peut forcer personne à entrer ce dîn-là, cette religion, dans son cœur. Seul Allah Azza wa Jal est capable de cela. Et même le prophète, alayhi salatu wasalam, n'avait pas la capacité de guider qui il veut. Il n'a pas réussi à guider son oncle qui est mort en étant mécréant. « Innaka la tahdi man ahbabt » Allah Azza wa Jal dit de son prophète qu'il ne guidait pas qui il veut. Et Allah Azza wa Jal dit « Fa'innama alayka al-balagh » Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, n'est chargé que de transmettre le message. Il ne peut qu'indiquer le droit chemin, mais il ne peut contraindre personne à avoir la foi. Et nous également, on ne peut forcer personne à avoir la foi. Cela est tout à fait vrai. En résumé, Allah Azza wa Jal ne nous a pas laissé la liberté de suivre n'importe quelle voie et d'avoir n'importe quelle conviction. Mais on ne peut contraindre personne à avoir la foi. Cela est vrai. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas être dupe, car dans les faits, il ne laisse pas de liberté de culte. Ce n'est qu'un prétexte pour combattre l'islam. S'ils prétendent la liberté de culte, pourquoi est-ce qu'ils interdisent le hijab ? Le hijab est un acte d'adoration, ça fait partie du culte. Regardez leurs contradictions. Et s'ils prétendent la liberté de culte, pourquoi mettre une amende à celui qui veut sacrifier son animal pour le Eid ? Il y a bien d'autres exemples qui montrent leurs contradictions. Ce ne sont que des mots. Ils ont instauré des lois comme la laïcité qu'ils placent au-dessus de tout. Ils les ont érigés au rang de culte et tu es obligé de t'y plier. La seule liberté qu'ils veulent te laisser est en fait de se plier à leur loi, à la laïcité qu'ils ont élevée au rang de culte. En fait, ils combattent l'islam sous couvert de la laïcité. Regardez par exemple les mesures qu'ils prennent avec la loi sur le séparatisme, qu'ils ont justement rebaptisée depuis « loi renforçant la laïcité ». Ces lois, si vous observez bien, ne visent que l'islam. Dernièrement, le ministre de l'Intérieur a proposé de nouvelles mesures qui doivent être incluses dans le projet de loi. Parmi ces propositions, le fait de refuser de se faire soigner par un homme ou une femme sera puni de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Subhanallah. 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour celui qui refusera de se faire soigner par un homme ou une femme. Car c'est selon eux contraire à la laïcité. C'est pour cela qu'ils instaurent l'islam de France. Rien que cette appellation démontre que ce n'est pas l'islam authentique. Allah Azza wa Jal nous dit d'entrer pleinement dans l'islam et non pas dans l'islam de France avec des représentants comme Hassan Chalgoumi, lui qui est la honte et la risée des musulmans. C'est même devenu une source d'inspiration pour des humoristes. Il y a des humoristes qui font du stand-up, qui l'utilisent dans leur spectacle. Ils prennent des audios de Chalgoumi qu'ils font écouter à la salle, et wallah, tu vois la salle qui est morte de rire, les gens explosent de rire. Subhanallah, wallah, ils n'ont même pas besoin d'en rajouter, ils n'ont même pas besoin de faire un sketch. Chalgoumi à lui seul est un sketch. Donc faites très attention aux ruses des ennemis de l'islam qui détournent les vrais problèmes de la société, que ce soit le chômage, les gilets jaunes, les manifs et autres, pour faire passer l'islam, qu'ils nomment islamisme, pour duper les gens comme étant le problème numéro un à combattre. Et sachez que rien ne sert d'aller dans leur sens et de pactiser avec eux dans des choses contraires au dîn pour les contenter en pensant qu'ils seront satisfaits de toi. Car tant que tu es musulman, sache que cela les dérangera, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, « وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ » Tant que tu ne suis pas leur voix, la voix de la mécréance, eh bien les juifs et les chrétiens ne seront pas satisfaits de toi. On se doit de rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal et non pas des mécréants, car c'est Allah Azza wa Jal qui nous jugera. Donc voilà, on a répondu, Inch'Allah, aux principales ambiguïtés sur le sujet. Je conseille à tout le monde, à tous nos frères et nos sœurs, de faire des efforts dans leur religion pour apprendre leur dîn, pour avoir des bagages, pour se parer contre ces ambiguïtés. Car comme on l'a dit, il y a des choses très très graves. Il y a des choses qui font sortir de l'islam. Et c'est ce que veulent ces ennemis de l'islam. Donc il faut avoir des bagages, un bouclier pour se parer contre ces ambiguïtés-là. Wa ila huna walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.